Majesté, Gustave Ebanga caresse toujours ma maman Dio tout le matin afin qu'elle soit heureuse toute la journée. Namabola wayola mijabeya ebanja noli yende manotoniba tasamo ena mabola wa mojabeya esonka sanemba moena ndolo. Eve Mbappé Eyoum caresse toujours Alice afin qu'elle soit heureuse à vie. Mijabeya ebanja noli yemba notondimba tasamo ena mabola wa mojabeya esonka sanemba moena ndolo. Et Fritz, Ntonin Tonin, écoutez cette chanson d'amour qui reflète votre vie. Mouleta Kotomo, Moutitina, Moutongwa, Eke, Moussidinga, Belenandolo. Nala Yete, Otete, Nabato, Epogo, Moutitina, Moussolo, Epo. François Mapa, Papa Gondo, Tomiti, Daliwa. Mama Kati Ernest Mukuri Léa Marie Luna mon même le tondino Pierre Tchengue caresse toujours Popina Eric et Léonie Toulou aimez-vous toujours Mouma aime toujours Henriette Milema Menami Tondi Mibeli Bwa Minandolo et Banyana Tengene Landola Mbale. Soma, o Cristo.